comptoir. Je me sentis comme un vent de liberté. J'ai mis du temps à me décider. J'ai mis du temps à me décider pour aller te parler. Parler.